Salut, c'est Mike Lécuyer pour l'émission Blues Covers. C'était Benoît Blueboy, le blues au bout de mon lit. Je vous ai passé un extrait de la première version qu'il a enregistrée en 1979 sur son premier 33 tours. Et puis ensuite, je vous ai passé un deuxième extrait d'une nouvelle version qu'il a enregistrée en 1994 sur l'album Couvert de Bleu. Il en a aussi enregistré une troisième avec Frank Goldwasser, mais bon, là, je l'ai pas passé. Alors, ce Blues Covers consacré à Benoît Blueboy, de son vrai nom Benoît Billot, il est né en 1946. Il a composé pas mal de titres avec d'autres artistes. Hein. Il y en a, je savais, et puis il y en a, j'ai découvert des petites surprises, comme avec Paul Persson à l'époque de Backstage, avec Lenny Lafargue. Il est très pote avec Steve Verbeck, avec qui il a composé de nombreux morceaux et produit aussi certains de ses disques. Et puis il est pote aussi avec le père de Steve, Patrick Verbeck. Et ça tombe bien, voici une version de The Duo, le duo qui a accompagné Patrick Verbeck pendant de nombreuses années, c'est-à-dire Pascal Mikaelian et Claude Langlois, en 1998, la version de Louisiana, composée évidemment par Benoît Blueboy. The Duo. J'ai déjà mon ticket à la main. Moi je vais aller en Louisiana. J'ai déjà mon ticket à la main. Arrivé là-bas, je me mets à pêcher le poisson-chat. Moi je vais aller à Baton Rouge pour écouter Louisiana Blues. Moi je vais aller à Baton Rouge pour écouter Louisiana Blues. Arrivé là-bas, ça crie, ça hurle et puis ça bouge. J'ai oublié de préciser pour ceux qui ne connaîtraient pas Benoît Blueboy que c'est un harmoniciste, un chanteur, mais aussi un guitariste et évidemment auteur-compositeur et parfois producteur. Avec Lenny Lafargue, en 1999, il a coécrit deux titres sur l'album de Lenny qui s'appelle L'Estuaire. Les deux titres, ce sont Comme la cigale et Dis-moi maintenant. Lenny Lafargue, c'est un chanteur et un guitariste. On va écouter La Cigale en 1999, Lenny Lafargue. Moi je suis comme la cigale, j'aime chanter tout l'été. Moi je suis comme la cigale, j'aime chanter tout l'été. J'aime chanter tout l'été à l'ombre des palmiers. L'été les filles sont si belles, j'aime chanter pour elle. L'été les filles sont si belles, j'aime chanter pour elle. chaque jour, de soleil en soleil. Je travaille chaque jour, de soleil en soleil. La brise de l'été m'a toujours fait rêver. La cigale, j'aime chanter tout l'été. Moi je suis comme la cigale, j'aime chanter tout l'été. J'aime chanter tout l'été. À l'ombre des palmiers. Moi je suis comme la cigale, me fais pas la morale. Moi je suis comme la cigale, me fais pas la morale. J'suis comme ça, j'y peux rien. J'prends la vie comme elle vient. J'prends la vie comme elle vient. J'prends la vie comme elle vient. J'prends la vie comme elle vient. C'était Lenny Lafargue, extrait de son CD « L'Estuaire » en 1999. L'Estuaire de la Gironde, bien sûr. En 2000, grâce à Internet et à mon premier site, Bleu Blanc Blues, je reçois un petit disque de Lulu Campers Blues Band, artiste que je ne connaissais pas du tout. Un CD qui m'a énormément plu à l'époque, et avec une reprise du blues au bout de mon lit de Benoît Blueboy, et j'en ai fait une chronique sur mon site, et puis malheureusement quelques mois plus tard J'apprends le décès d'une crise cardiaque de la chanteuse Lulu Campers. Hein, elle habitait le Tarn, je crois, et avec ses musiciens, ils avaient donc produit ce premier CD. Ils apparaissent également sur le CD Hexagone Blues, proposé par Patrick Verbeek, et qui réunit quelques artistes de la scène blues française de la fin du XXe siècle. Il y avait Steve Verbeek, Onemen, etc. Lulu Campers, le blues au bout de mon lit, en 2000. Onemen, c'est un duo breton, issu du groupe Do The Do, qui n'existe pratiquement plus. Mais Onemen, il continue, contre vents et marées, à diffuser le blues à travers la France, et même peut-être plus. Donc, Onemen, en 2006, ont proposé un CD plutôt pour enfants, qui s'appelle « Du blues dans mon quartier ». Et sur ce disque, il y a deux morceaux composés par Benoît Blueboy. Alors l'un, c'est « Le blues au bout de mon lit », ça, hein, on l'a déjà entendu. Et l'autre, c'est « Devant la cheminée ». Je vous le propose donc, « Honeyman » en 2006, « Devant la cheminée ». Je vais le faire danser, je vais le faire danser devant la cheminée. La mère Noël, elle va chanter, la mère Noël, elle va danser. Oui, cette année, ils vont danser devant la cheminée. L'année dernière, c'est une guitare qui m'ont emmené. Cette année, dans ma cheminée, ils vont danser. La fille Noël, je l'ai invitée. Je l'ai invitée. Elle est venue avec son fiancé. Son fiancé. Son fiancé qui sait chanter. Qui sait chanter. Qui sait danser devant la cheminée. Grand-père Noël, qui est réveillé, il veut danser. Grand-mère Noël, qui est fatiguée, veut s'arrêter. Mais moi je m'en fous, je vais continuer. Je veux voir mes cadeaux tous arriver. Et jusque-là, dans ma cheminée, ils vont danser. Chanter, qui s'est lancé devant la cheminée. Moi cette année je leur ai demandé une batterie blanche pas trop usée, un piano rouge, une basse bleutée, oui d'un beau bleu métallisé. L'année prochaine ils vont danser avec un orchestre, oui tout entier. Ils vont danser, ils vont danser devant la cheminée. Chanter, ils vont crier. Ils vont crier. Ils vont crier, ils vont sauter. Ils vont danser. Ils vont danser devant ma cheminée. Donne-moi des cadeaux à casser, les Honeymen. On revient en région parisienne avec Alex and the Moonshiners, une démo en 2006, un petit CD fort sympathique, avec une version un peu bizarroïde de « Pourquoi me lever ?». C'est un morceau qui n'est pas très très connu de Benoît Blueboy, et Alex en fait une version très revisitée avec les paroles beaucoup, beaucoup changées. Alex and the Moonshiners. Pourquoi me lever ? Pourquoi me lever ? Comment me lever ? Faut-il me lever ? C'est mon éternel sommeil. J'en ai vraiment assez. Je vais dormir toute la journée. Pourquoi me lever ? Pour du téléphone qui n'arrête pas. Pourquoi me lever ? Pourquoi me lever ? Comment me lever ? Faut-il me lever ? On est devenu cinglé, j'en ai vraiment assez. Je veux dormir toute la journée. Pourquoi me lever ? Perdu de poids, c'est ce que mon méga dit. La journée, pourquoi me lever? Reste en région parisienne, à Montreuil plus précisément, avec Steve Verbeck, harmoniciste, chanteur, compositeur, fils de Patrick Verbeck bien sûr, et qui a proposé un album assez magnifique au niveau graphisme en 2007 qui s'appelle Parano. Je vous invite fortement à voir cette pochette magnifique. Si vous n'avez pas le disque, vous allez sur Discogs. site bien connu des amateurs et collectionneurs de disques, et vous verrez la pochette en long et en large, recto verso. Pour revenir à Steve Verbeck et à cet album, il reprend Les trucs que tu fais de Benoît Blueboy, bien sûr, que Benoît avait enregistré en 1980 sur son 33 tours vinyle intitulé Original. Mais là, c'est la version de Steve Verbeck que je vous propose. J'ai tout fait, j'ai même tout essayé. Non, y'a rien à faire pour te rencontrer. Moi, je commence à croire que tu racontes n'importe quoi. Je comprends pas, il y a des trucs que tu me fais, moi je comprends pas. Quand je me lève le matin, elle est déjà partie. Mais quand je rentre le soir, je suis tout seul dans mon lit. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ici pour m'expliquer? À chaque fois que je veux te voir, moi je me casse le nez. À chaque fois que je veux te voir, moi je me casse le nez. La nuit à travailler, et qu'à la fin du mois tu vas remplir le chéquier. Pourtant hier soir y'a mes potes qui t'ont vu, et t'étais pas toute seule là-bas dans la rue. Non, t'étais pas toute seule là-bas dans la rue. Y'a des trucs tu me fais, moi je comprends pas. Y'a des trucs tu fais, moi je comprends pas. Y'a des trucs tu fais, moi je comprends pas. Y'a des trucs tu me fais, moi je comprends pas. Tout chaud, Zu vient de m'envoyer une version de Allons au tortillage. C'est un titre de Benoît qu'il avait enregistré en 2007 sur l'album Micmac. Et Zu, pour le lancement de son nouveau groupe, a fait cet hommage à Benoît, car il l'aime beaucoup. D'ailleurs, sur son précédent disque, Mur pour le blues, il avait invité Benoît à jouer de l'harmonica sur ce titre. Donc, Zu et les Zig, extrait live du concert de lancement à la Grouverie, à Lyon 1er, le 9 mars 2018. Zu et les Zig, nouveau quartet de blues groove en français, est composé de Georges-Henri Perrin au clavier, Jérémy Vinet, basse, chœur, Laurent Coulot à la batterie, et Zu, guitare et chant. Allons au tortillage, ce n'est pas encore paru sur CD, peut-être un jour un DVD. Zu et les Zig. Jusqu'à minuit moins trois. fasse brevet, on va tous t'entiller. Y'a rien pour l'interdire, ni même pour l'empêcher de faire ce que vous voulez plus tard dans la soirée. On va vous tortiller cet endroit. On va vous tortiller cet endroit. On va vous tortiller. Merci. Et pour terminer ce Blues Covers consacré à Benoît Blue Boy, je vous propose une petite bizarrerie, si on veut. C'est-à-dire qu'il a coécrit deux titres avec Paul Persson, et avant que Paul Persson ne chante sous son nom et ne chante en français. Et ce sont donc deux titres coécrits en anglais pour le groupe Backstage que Benoît a produit en 1980, et le premier album c'était en 1979, Le deuxième, donc, en 1980. L'un des deux titres, ce sera « Tell Me, Backstage ». Bye bye et à la prochaine. C'était l'émission Blues Covers. Bonsoir.